que teu crase via. Fen levitet nou, metei nou sou de pie. Bonsoir tout le monde et jeudi c'est vendredi 11 octobre 2019 et nous comptons pour entrer la caillou pour une beauté belle émission ça pour vous, émission héritage culturel et c'est une émission qui passe sous antenne radio Lolenso Alenas et chaque vendredi 7h et 8h et c'est une émission socio-culturelle et qui en quelque part est plus basé sous question société sous fait social yo et donc comme nous t'ai annoncé le vendredi passé et nous accompagné avec co-animateur nous qui c'est Ernest qui est en studio avec nous et cap toujours en studio avec nous et n'a salué et directeur radio qui c'est Gabriel et n'a pas salué Jordani qui s'est metté en nom de nous et n'a pas salué et toutes amis toutes auditeurs auditrices qui déjà et branché émission ça émission héritage culturel et sur émission qui passait sous antenne radio Lolenso Alenas Jean Kennedy là n'a pas salué et Nadej et qui a suivi émission hein. Et n'a pas salué Michelo et n'a pas salué tout le monde en général quel que soit côté ou appé suivi émission hein. Et m'a pas salué petit garçon Ryan Edinson et Neg Boula et qui transformé en Neg Mikou hein. Et Ernest bonsoir c'est un plaisir pour nous gagner dans émission et héritage culturel comment on est et bonsoir Jimmy c'est un plaisir pour nous avec pour après-midi comme tous les jours. Et c'est une facilitation pour nous capables de rentrer dans chaque lacou, dans chaque quai. Il y a un grand haïtien qui vivent dans Conception. Et voilà. Donc, je dis, l'émission n'a plus basé sur question société et sur question société pays, Chili. Donc, nous prenons bon petit information de et en fait. Sujet c'est de Chili nous venons parler aujourd'hui hein. Donc en dit Chili c'est un pays qui dans Amérique du Sud là et n'a dit c'est un pays et qui en voie de développement donc on dit devise et pays ça c'est pour la raison ou la fuel ça donc si que vous t'avez nous traduit pour vous. Et on dit dans langue pano langue maternelle pano c'est et pour la raison et par la force donc on est avec nous va connaître si on est voulu ajouter un bagage parce que lui a point dans question et espagnol là Ernest bon ça dit c'est réel son réalité lié c'est soit pour la raison ou la force c'est yon ou bien yon l'autre. Et comme je dis, nous avons invité avec nous, et tout à l'heure, nous avons plus grand invité avec nous toujours. Nous avons commencé à saluer et à présenter tout à l'heure. D'abord, c'est ce qui va être fait, mais nous avons fait comme ça là. Et nous avons commencé à dire bienvenue. Et moi, je suis allé, nous avons invité là, tremenda invitada hoy día, qui nous accompagne. En este panel hoy día, et qui nous a présenté, va dire qui est et son nom, digamos. Et en fait, auditeur, nous n'avons pas d'invité qui nous a avec nous. Digo yo mi nombre. Buenas tardes, mi nombre es Erna Ugarte. Estoy aquí porque soy representante o colaboradora de una fundación que se llama Fundación Trabajo para un Hermano, que está en Barrio Norte. Y nuestros vecinos, nuestros amigos son los hermanos haitianos. Y por lo tanto, desde hace un poco más de un año, estamos colaborando con ellos para para su inserción en nuestra comunidad. Bueno, ya saludamos todos los auditores y auditores que nos están escuchando, y tenemos a nuestra invitada. Más adelante nos vamos a contar en qué consiste el TPH y cuál es el trabajo que está haciendo con la comunidad extranjera, más precisamente con la comunidad haitiana, y en qué consiste todo esto. Pero en breve nos volveremos a hacer esa pregunta y nos va a contar más adelante. Y voilà, y merci Anes, nous connaissons du traducteur moi en créole du traducteur moi. Merci Anes. Donc on continue et n'a pas salué tout le monde qui déjà branché émission héritage culturel et Jean Kennedy aujourd'hui, et n'a pas salué William Pierre-Tus qui bel et bien et a suivi l'émission. William, si on beaucoup de chapeau pour vous, et n'a pas salué tout fan qui déjà branché et le 107.1 FM et Lorenzo Alinas, et quel que soit côté ou branché émission, nous saluons, et que vous êtes sur Facebook, que vous êtes sur n'importe réseau social, nous saluons. Et nous continuons avec le sujet, c'est nous venons parler et un petit peu de la société chilena. Donc nous te faisons pas de devises paysans, donc nous connaissons chaque pays qui a fonctionné et il y a des devises paysans. Et chaque pays ça yo des visions toujours différents et des visions et veut dire quelque chose. Donc nous pas parler sur question devises et pays Chili, donc c'est pas pays natal nous. Donc on dit l'hymne national et chilien, c'est et Dulce Patria Recibe Novoto, et ça veut dire qui ça, donc dans langue maternelle panoua. Et Ernesta Doué traduit pour nous, donc c'est traducteur et bien avancé. C'est chère patrie, acceptez nos vœux. Donc même gens, nous-mêmes, nous avons devise par nous. Disons, nous avons hymne national par nous. Et nous tous connaissons, pas besoin de faire redondance, rappelez-nous. Donc on dit forme de l'État et Chili, c'est et République présidentielle. Et même gens, pays par nous-mêmes, et il y a une forme de l'État pâle qui c'est la République. Donc on dit et Chili, capitale, c'est Santiago. Santiago, et on dit superficie, c'est 755 km² disons. Et Chili te prend indépendance li le 18 septembre 1810 au profit de l'Espagne, tout le monde comme ça. Et 18 septembre 1810, et à présent nous dans 2019 et soit 209 ans. Donc on dit yotapral reconnaître indépendance Chili le 12 février 1818, soit 8 ans après. Et 8 ans après, donc c'est après la signature de l'indépendance et Chili. On dit en 2017 et Chili a gagné à peu près 18 millions d'habitants qui vivent sous territoire chilien. Donc nous connaissons vie avec quantité et étrangers qui entrent dans le pays, hein, de 2017 à nos jours. Donc quantité monde qui vivent est élevé. Donc densité et population, c'est 23.37 habitants par kilomètre carré. OK, 23.37 kilomètres par habitant. Donc j'en te dis là, on va suivre mission héritage culturel n'a plus et basé sur effet social. Donc très bientôt nous pral gagner une émission n'a plus parlé de culture, mais en réalité sous question société sociale. Et pour le moment actuel, on dit Chili gagne une économie qui est très élevée. OK, okay? N'a rappelé auditeur yo et tout le monde qui suit et tout le monde qui branché live là sur Facebook et tout le monde qui branché émission en conception et plus précisément dans Dital Kawano et donc nous pas tellement qu'on ville ou bien Ernest et colonel et Walpen donc n'a salué tout le monde ça yo et Chili c'est un pays qui fait frontière avec le Pérou au nord et qui fait frontière avec la Bolivie et ensuite l'Argentine et Chili tout fait partie et des pays cône sud et en rappelant Chili c'est un pays qui envoie des développements pour tout auditeur cap et cap suivre émission pour toutes les amis qui branché et 107.1 et Chili c'est un pays qui envoie des développements ça veut dire qui ça c'est un pays qui et en fait chaque monde dit chaque monde tout les cap vivent yo gagne un point et de départ et yo gagne un point d'arrivée et de même pour et pays Chili donc yo gagne un côté yo sorti et yo gagne un côté yo voulez arriver donc et on dit de même pour pays nous tout donc et bon, nous pral gagne pour étaler sur ça après et dans deuxième partie émission et donc n'a gagne petite comparaison pour nous faire entre ça que nous apprendre ça que nous vivre comme étranger et n'a bien pour nous comparer li avec ça qui a passé dans pays nous donc NS pas connaît sou vle habiter et ajouter disons mieux yon bagay et par rapport avec et point ça que nous et nous commencer pour auditeur nous et bon on pas ajouter plus et faire plus étalage sur ça parce que tout ça dit son réalité c'est la son vérité d'abord et des professeurs sociaux au besoin contre Kotoya dans qui environnement y est et qui Koto fait des limitations ça c'est bien ça et félicitations aujourd'hui à tout et aujourd'hui à ta c'est tout ça avancé on va tout bagaille OK on pas connait nous bien commencer on pas connait pour auditeur nous donc et d'aller on va commencer avec invité nous hein qui avec nous là tout fort et capable faire opinion. Voilà nous prenons commencer avec invité en tout à l'heure donc vendredi passé santé à pas ta point et jusqu'à présent et nous à peine après récupérer nous faut rappeler auditeur ça tout auditeur qui t'a suivre premier live là nous pas ta point à présent et nous parti avec un autre niveau et c'est un autre bagage qui va le faire on salue à nouveau et Nadej Joseph qui bel et bien et à suivre qui veut lui à suivre mission à saluer level lui qui a suivre mission à saluer et à saluer Do et ensuite à saluer et Rondri qui bel et bien à suivre émission nous pral prendre une pause n'a retourner tout à l'heure Jordan. Faut pas camper chaque monde gon jour pour roche la ville ou les faut qu'on en destiné pas coûter monde qui dit ou pas jamais parce que on s'est malheureux gain en pile monde qui pas jamais quoi dans ça qui relé destiné soleil bon Dieu éclairé pour tout monde no faut pas laguer même si devant tout monde barré oh persévérer pas quitter monde traité ou d'inférieur parce que ou pas gondola respect ou dignité ou bi supérieur passé million dollars pas oublier la foi ou ses âmes pour goûter à la vie pas perdre sans foi ou même les propres familles ou les changer ça oh yo yo yo yo oh yo yo yo yo yo. fwa ou kon leve nan kay la nan pye ou ti moun ap kriye Ou sa wap pase son trai la ne ou pa gen lot pot pou frape Ou anvi kouri, moun a gen destinasyon Ou anvi bak la vi, moun gen trop okipasyon De fwa oblije rezi e wak sa la vi apote Mem si tout moun nap imilye ou pa pliye pran kwa pote Fwa pa kriye la, fwa pa lage sa Depi wap vi fwa gen l'espoi sa ka chanje la Fwa pa kriye la, fwa pa lage sa Depi wap vi fwa gen l'espoi sa ka chanje la Wo yo yo yo wo yo yo yo wo yo yo yo wo yo yo yo Bon courage vie frère soleil gen pou lever Pas de courage à peine passer Prends toute force ou pas il est trop tard Faut pas crier là, faut pas lager ça. Depuis wa vi forget l'espoir, ça ka changé là. Faut pas crier là, faut pas lager ça. Depi wa vi fò gen espwa sa ka chanje la ay ay ay ay o yo yo yo ay ay ay ay o yo yo yo Pa koute moun ki di ou pap jamayen paske ou se malere Gen an pil moun ki pa jam kwe nan sa ki rele destine Soleil bon di eklere pou tout moun nou Fò pa lage Mem si devan ou tout moun bare ou persevere Pa kite moun trete ou de inferye paske ou pa gondola Respect ou ak dignité ou pisi perye passe million dollars. Pa bliye la foi ou se zam pou goume ak la vie. Pa bezi san foi ou mem le pop fami ou le change sa. Oh yo yo yo yo yo. Des fois ou kon leve nan kay la nan pye ou ti moun ap kriye Ou sa wap pase son trai la ne ou pa gen lot pot pou frape Ou anvi kouri, moun a gen destinasyon Ou anvi bak la vi, moun gen trop okipasyon Des fois oblije rezi e wak sa la vi apote Mem si tout moun nap imilye ou pa pliye pran kwa pote Fwa pa kriye la, fwa pa lage sa Depi wa vi fwa gen l'espoi sa ka chanje la Fwa pa kriye la, fwa pa lage sa Depi wa vi fwa gen l'espoi sa ka chanje la Wo yo yo yo wo yo yo yo wo yo yo yo wo yo yo yo soulege pou leve. Pa dekouraje apen pese bebe. Pren tout fos ou, pa di li tro ta pou ou. Fok ou pa lage. Voilà, et merci tout le monde qui a suivi l'émission. Et on est de retour après la pause. Et je vous rappelle, si vous êtes à peine branché, on est sur les ondes de la radio et Lolenso Alenas, le 107.1. Vous êtes à l'écoute de votre émission Héritage culturel. Et nous allons recevoir yon l'autre invité tout à l'heure. Et on continue sur le sujet là, lui-même. Jacques, nous t'ai annoncé avant, on a parlé de et la population chilena en espagnol et si vous avez nous dire en créole la population chilienne. Donc en dit Chili, c'est plus grand pays qui gagnait dans Amérique latine. Et c'est plus grand pays qui gagnait dans Amérique latine non? Et que et on dit Chili fait partie en 2010 membre de et l'OCDE. Donc nous allons recevoir invité à donc Ernest. C'est justement de vuelta et para con nuestra querida invitada y nuestra amiga, compañera y colaboradora también para decirle así. Para usted, ¿qué espera? O sea, ¿en qué consiste su trabajo hacia los inmigrantes? Nuestro trabajo es un trabajo principalmente de coordinación con otros organismos de la sociedad civil como nosotros y con organismos públicos para facilitar la inserción social, laboral y humana de los migrantes. Para nosotros son una realidad. También como chilenos vivimos una diáspora producto de la dictadura, ¿cierto? Cerca de 1 millón de chilenos tuvieron que salir del país. Por lo tanto, nos mueve también la solidaridad y el respeto a las personas, a cada una de las personas que son los migrantes, que no están aquí porque huyan por haber cometido delitos, no están aquí porque están dejando su país, están dejando su tierra, su familia, sus amigos, sus olores, su cultura. Entonces nos parece que acogerlos con respeto, acogerlos con afecto también, es necesario y es justo. ¿Qué parece? Parece súper bien el trabajo que ustedes han hecho y están continuando haciendo por sus personas, sin no me olvide, digamos. ¿Y qué proyecto tenemos por este año hacia los inmigrantes? Y también para aprovechar a decirlo, ¿qué saben sobre la cultura, específicamente la cultura haitiana? Bueno, yo le decía a Ernest que me avergüenzo un poco de saber muy poco de la cultura haitiana por nuestra condición geográfica. Este es un país que está entre la cordillera y el océano. Entonces tenemos tendencia a mirarnos para adentro y mirar poco hacia afuera. Y Haití es un país lejos y pequeño. Entonces de la cultura haitiana yo creo que sabemos poco. Por lo tanto, tenemos muchas ganas de aprender de sus colores, de sus sabores, de sus ritmos. Pienso que son personas muy valientes, muy valerosas, que pese a toda la adversidad, al colonialismo, a las condiciones duras que les han tocado vivir, son capaces de salir adelante, de tener sueños. Y eso también nos permite a nosotros aprender, uh-huh, aprender muchísimo. Sí. Me parece mucho porque la cultura haitiana es que son pocas personas que la conocen. encima va a decir la comunidad chilena, o sea, la sociedad chilena, no la conocen. ¿Y qué usted piensa que nosotros puede aportar y cómo nosotros puede mostrar nuestra cultura? ¿En qué ámbito usted quiere que nosotros partimos y compartir, o sea, comenzamos, digamos, para que la comunidad, o sea, la sociedad chilena conozca esa cultura que está escondida? Creo que desarrollar actividades amplias donde participen chilenos, vecinos, haitianos y también personas que han llegado de otros países nos permite relacionarnos de igual a igual. Y en ese sentido ya tenemos una experiencia del año pasado, ¿verdad? Que hicimos un encuentro deportivo, cultural, que fue una experiencia muy linda y que esperamos replicar. Pienso que la cultura haitiana nos puede contribuir a conocer más de la historia de América Latina, a comprender mejor los procesos sociales y políticos que hemos vivido y también a vivir quizás un poco más tranquilo, a sonreír un poco más, a disfrutar. Tenemos mucha presión por el día a día y por el producir todos los días y creo que eso también nos pueden aportar con su cultura. Sí. ¿Y qué consejo lo puede aconsejar hacia la comunidad haitiana y para la que algunas no se están escondiendo, digamos, no quieren salir o no está como más escondida que nunca? ¿Qué consejo como nosotros podemos ir a buscarlo y hacerle y salir? Uy, ¿y qué consejo también le voy a poner a la comunidad chilena que también a veces nos mira de otra manera, digamos? Mi primer consejo es que no tengan temor, que tienen derecho a estar aquí porque son personas. Porque tienen derecho a vivir con tranquilidad, a vivir con su familia, a disfrutar la vida. Hay algunos chilenos que tienen prejuicios, pero la mayoría no. La mayoría los va a acoger, les va a tender una mano, va a ser empático con ustedes para ayudarles. Por lo tanto, yo diría que no tengan temor, porque no... a lo mejor alguien les puede decir una tontería, pero van a haber muchos brazos que los van a acoger. Y sobre todo las mujeres somos muy solidarias. Las mujeres en las situaciones de crisis somos las que sostenemos la familia, las que trabajamos. Entonces también las mujeres haitianas deben confiar en las mujeres chilenas porque hay cosas que no son comunes, la preocupación por la vida, por los hijos, por el cuidado. Entonces, última pregunta, para no hacerle tanta pregunta, digamos, y para terminar también, para culminar, con usted, ¿y qué programas, o sea, qué tenemos, y qué actividades tenemos, y cuándo, y cómo podemos invitarlos para que participen a todas las comunidades, no solamente la comunidad haitiana, sino toda la comunidad extranjera y chilena, para que podamos disfrutar y pasarlo bien también? Sí. Es absolutamente necesario pasarlo bien. Sí. igual que el año pasado, no tenemos plata, no tenemos ningún proyecto ni nada, pero hemos sido capaces de juntar, ¿cierto?, en una mesa a distintas instituciones públicas y privadas. Y entonces el sábado 9 de noviembre tenemos a partir de las 2 de la tarde, de las 2 hasta las 6, en la Plaza Cruz, que está aquí relativamente cerca, está cerca de la rotonda de Paicaví. Estamos planificando con el apoyo de la Seremi de las Culturas, de la Municipalidad de Concepción, de nuestros amigos de Infocap, de nuestros amigos de Trascender, de la propia Fundación TPH, del grupo de jóvenes que se llama CAM, que eso también es muy interesante lo que ellos hacen. Bueno, estamos planificando una actividad donde esperamos intercambiar sabores. Esperamos intercambiar música, un evento deportivo, que por supuesto ganarán los haitianos, me temo, que son muy buenos para jugar, baby futbolito, ¿no? Y bueno, se nos van ocurriendo muchas cosas, queremos que también vayan los niños. La idea es un espacio de encuentro, un espacio de acogida. Eso yo diría, Ernest. Entonces, muchísimas gracias por su respuesta y por respondernos a su invitación. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos recibir, estar a su lado, o sea, para recibir sus apoyos, como usted lo ha hecho como nuestra madre, entonces como una persona no ha conocido, entonces está dispuesto para ayudarlo. Muy agradecido y entonces muchísimas gracias. No sé si tendría alguna otra palabra y para decirle, para invitarlo, que se sumen en esa actividad. Entonces esa es su última palabra. Mi última palabra es invitarlos, que salgan de sus casas, que vayan a la Plaza Cruz ese día, que vayan con sus niños, que vayan con sus adultos. Va a ser un espacio bonito, espero que no llueva, y que confíen y que se sientan tranquilos en este país. Yo sé que no ha sido fácil, ni para ustedes, ni para muchas otras nacionalidades, pero bueno, ustedes son gente con fuerza, entonces van a poder esperar que las nubes grises se vayan disipando. Hay más gente generosa y buena que los puede acoger. Sí, muchísimas gracias por su palabra y por haber venido acá con nosotros. Un placer, Ernest. Sí. Gracias. Foku palage Papa crie la Papa la gesa Depuis wa vi forget l'espoir ça ca changé la Papa crie la Faut pas la guessa, et puis moi vivre, faut espoir, ça qu'a changé là. Aïe aïe aïe aïe, oh yo yo yo, aïe aïe aïe aïe, oh yo yo yo. La belle des Antilles, leurs grands-parents t'es venu ici, yo t'es venu travailler pour yon parti. Après un fil péripétie, pour mourir dans Brooklyn la pluie. Après l'amphithie, c'est assez, pour venir premier peuple noir qui est dépendant. Adieu, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est la pollution. J'ai commencé par pour la caille. Malgré nous vignes indépendants, y'a toujours voulu mettre nous sous dépendance. Pour longtemps, non pas discrimination, humiliation, agression. Ça semblait sans condamnation. Il a dit temps pour jouer une solution. Merci Jordanie et tant changé, et Ernest tant changé. Et nous, nous avons salué à nouveau tout le monde qui branché live là, et tout le monde qui branché 101.7 là, Radio Lolenso Alenas. Et donc nous prenons le recevoir et deux invités. Et nous prenons aller, nous prenons passer micro avec eux, ils même sont capables de présenter tête. Monsieur, c'est un plaisir. Et nous sommes antenne radio Lolenso Alenas 107.1. Et présentez-nous. Je dis bonsoir à tout le monde. Moi-même, c'est Jean-Eddy Charles. Moi-même, c'est producteur et représentant Chocas. Et nous-mêmes, c'est. Moi-même, c'est président de l'organisation Los Parisanos. Son production de culture. Que nous-mêmes nous fait entre et tout étranger en système d'intégration culture et pour culture nous-mêmes ensemble avec culture et l'autre étranger pour nous apprendre qu'on est et m'a dit Ernest m'a présenté ensemble avec Chocas qui est chez Latino que nous sont grand artiste que nous travaillons ensemble avec. Voilà et nous avons l'autre ami avec nous et ami comment nous c'est un plaisir pour que nous recevons et sur antenne radio Lolenso Alenas c'est le 107.1 et ou bien micro. M'a dit bonsoir et buenas tardes a todos los chilenos que están escuchando la radio Lolenso Alenas. Estoy aquí con mi productor y nosotros tenemos un proyecto juntos, estamos trabajando en un proyecto que se llama La Fuerza de un Negro y soy el cantante, hago trap latino, soy el primero haitiano en todo Chile haciendo trap latino y aquí tengo mi productor y mi beatmaker afuera y nosotros también recién subimos un tema al YouTube y tenemos canal Los Paisanos que son los productores también y tenemos un evento también el día sábado 19 donde vamos a contar con todos los extranjeros casi que está en Concepción y es el segundo evento que vamos a hacer y ahí no vamos a presentar a la artista sino puras canciones afro latino y compa que es la música de la cultura de nosotros y me gustaría invitar a todos ustedes que si pueden venir igual van a escuchar mi tema aquí y está bien bacano como dice acá en Chile, ¿entiendes? Soy el primer haitiano haciendo trap latino. Y ese es mi productor. Pour commencer, malgré que vous arrivez dans la fond question, sauf que nous avons passé là seulement des présentations et vous venez faire développement et question. Et je dis à moi-même, si on plaisir pour moi avec nous, messieurs, comme artiste, et moi valoriser ça très, très fort, et comme travail, moi, comme président d'association, qui voulait ouais, une communauté d'avancer. C'est l'une des raisons qui motive moi qui fait m'inviter nous aujourd'hui. Et est-ce que vous êtes capable de dire nous qui ça motive ou bon et on va faire question n'est-ce pas et nous peut expliquer que le motive à cantar et sa musique que dice comment dit ça la première une raison pas volver la raison pas volver et pourquoi sa canción si no puede cantar un poco de esa canción y no puede explicar un poco de esa historia que algo le motivó a usted a cantar esa música. Sí, me motiva muchas cosas y también la música, no solamente se trata de amor, sino de muchas cosas, de la variedad también. Y si quieren pueden escucharlo, ahí puedo hacer algunos análisis de las frases, de los ritmos, ¿me entiendes? De los versos. Es mejor lo escucharemos y de ahí yo voy a partir, empiezo a explicar el tema. O sea, ¿por qué no la cante antes que comience la música? Para mí, me gustaría escuchar su voz como cantor, como artista, para motivar la comunidad, no solamente la comunidad haitiana, la comunidad extranjera, también la comunidad, los chilenos, que no nos conocen, que quieren conocer, qué somos, qué tenemos en nuestra cabeza. No solamente a venir a trabajar, pero ellos quieren saber lo que tenemos como conocimiento, como artista, como cultura también. ¿Me puede cantar un poco? Sí, puedo, pero primero es mejor que ellos escuchen el tema y luego usted puede hacer análisis del tema. Bueno, Como el artista dice que mejor que escucha la música de él, capaz el Jordan, nuestro DJ, no va haciendo cosas malas, algo que no deseaba. Todo fue un cuento por mi culpa, muchos te odiaban. En el camino encontré amigos con mi hermano que me odiaba. Ahora yo deseo volver para decirte miles de cosas. Una de ellas fue mejor, es volver a casa. Contigo quiero volver, no sé si me quieren ver. Contigo quiero volver, no sé si me quieren ver. Tu cuerpo es la ciudad que todo quiero conocer. Es por eso yo volví para recuperar todo lo que yo perdí. Ey, ey, confundí el sexo con el amor. Ahora tengo frío, necesito tu cuerpo, tu vapor y tu calor. Confundí el sexo con el amor. Ahora tengo frío, necesito tu cuerpo, tu vapor y tu calor. Solo necesito siempre amor. Quiero volver, siempre hay una razón para volver. Vamos a seguir. Siempre hay una razón para volver, una razón para volver. Contigo quiero volver. Siempre hay una razón para volver, una razón para volver. Contigo quiero volver. Yo elegí ese tema porque hace 3 meses atrás hice un viaje a Haití y donde yo tenía muchas razones para no volver acá en Chile. Pero igual después cuando llegué al aeropuerto encontré un motivo que fue una razón muy especial que yo dije sí o sí tengo que volver para Chile. No es porque no me siento bien en mi país, no, sino que yo quiero integrarme al grupo inmigrante como cantante, también como representante de mi país, mi bandera. Usted sabe que la raza negra es una raza que tiene mucha fuerza. O sea, esa razón que te motivó para volver, o sea, que no dice que no voy a regresar en Haití, voy a devolverme para atrás. Entonces, ¿esa razón es una meta de vida o es algo que usted quiere lograr solo o junto con la comunidad? Bueno, no es, si fuera solo, yo lo haría yo solo, no con alguien o no compartiría con nadie, sino es algo que me motiva mucho, ¿me entiendes? Por eso yo estoy aquí con mi productor y me gusta la idea que él está haciendo y la iniciativa que él tiene acá, especialmente en Concepción, en el sur. Y le dije, mira, brother, yo soy cantante, yo hago música trap y podemos trabajar juntos. Y él escuchó mis temas, no solamente ese tema, tengo varios temas, sino ese tema también le motiva a él. Me dijo, ya, brother, vamos a trabajar juntos. Te entregamos en la producción y ahí puedes trabajar con nuestro maestro que hace en pista, todo eso, y él te puede escuchar. Entonces, veo que en él hay muchas cosas que... Positiva. Sí, positiva, y también que aún no está, nosotros los haitianos no estamos integrando en la comunidad inmigrante acá en Chile. Entonces le dije, la mejor forma es entrar con todo ritmo, entrar a cantar, a bailar, como que para llamar la atención a la gente, para que entiende nuestro mensaje que queremos enviar al público y a la nación chilena. O sea, me quiere decir, quiere enseñar, o sea, demostrar nuestra cultura aquí en Chile. Entonces, ¿cómo usted pretenda divulgar esas informaciones, esa cultura? ¿Y a través de qué meta? ¿A través de qué vía, digamos? A través de la música, porque ahora la música es la única forma donde uno puede expresar, puede desahogarte en toda forma, que, no sé, el pensamiento del ser humano es mejor que desahogarte en la música. Bueno, con una pista desahogamos. O sea, ¿qué actividad usted tiene? ¿Cuándo? ¿Y cómo uno tiene que ser para poder ingresar en esa actividad que ustedes tengan? Bueno, esa pregunta yo también puedo contestarla, pero es mejor que lo conteste el productor y el manager aquí. Mira, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en todo sistema de cultura que la gente tiene, por ejemplo, en el tema del baile, y de canción, de todos los tipos de canción, por ejemplo, que la persona hace música de gospel, que hace música de rap, de trap, música folclore también. Y la idea nosotros queremos hacer, y por ejemplo, si yo siempre pienso así, yo lo digo que los haitianos, lo punto fuerte que tenemos para poder expresar, como decir que somos nosotros los haitianos, a los chilenos, a la nación que viven acá, por ejemplo, aquí hay muchos chilenos y estamos en Chile y hay muchos venezolanos, muchos colombianos, muchos dominicanos. Nosotros podemos unir con ellos para poder motivar a los chilenos, por ejemplo, ¿qué son los haitianos? Porque en Haití tenemos 7 estilos de música. Nosotros tenemos el compa, tenemos el voodoo, tenemos el tubado, tenemos el rabodai, son estilos de música que propio haitiano. Entonces, cuando el haitiano está bailando esos estilos de música, se siente como, bueno, decir, la alegría, por ejemplo. El primer evento que hicimos nosotros, y ve las fotos que están en Instagram, la cara de la gente, la alegría, como veo que los chilenos, los extranjeros, se siente como yo lo pienso como un puente para unir y la raza, para poder entender qué tipo de raza somos los italianos. O sea, en el afiche que usted tiene salsa, tienen bachata también. A mí me gusta bailar bachata, pero ¿quién canta como bachata? ¿Quién es bachatero? Y también, ¿cuál es el próximo evento que ustedes tienen? ¿Cuál es el precio? Para que la gente, si alguien interesaba a visitar a ustedes, ¿cuáles son, cómo lo tiene que hacerlo? El evento que tenemos es por el 19, el sábado, y es un evento que tiene un DJ chileno y un DJ venezolano y un DJ haitiano. Y lo que pasa, nosotros también tenemos gente, por ejemplo, chica, que son de varias y de dominicana, aquí pueden enseñar, si fue en el evento, te va a enseñar a bailar bachata. Porque lo que pasa cuando nosotros hablamos con ellos, y yo quiero enseñar, no es su cultura a nosotros. Entonces, uno que no sabe bailar bachata, puede ir para allá y va a encontrar gente que te enseña a bailar bachata. Oh, entonces yo iré para allá para bailar bachata. Te va a enseñar a bailar Hace bachata. Hace casi 5 años que no da un paso de bachata, entonces me encanta ahí, la bachata. Por ejemplo, el tambor, no, yo no sabía nada del tambor. Entonces, yo tengo una amiga que me está enseñando a bailar el tambor. Bueno, ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, como son ustedes, son varias artistas, no sé qué, ahora encantado recibirle a ustedes por sus trabajos que están haciendo. Les deseo los mejores y yo, en lo que yo pueda, pueden contar conmigo. No sé si los otros que los acompañan tienen algo para decir, pero ese me motiva mucho para acompañarles en todos los ámbitos que yo pueda. Muchísimas gracias por responder a mi invitación. Y por venir, porque creo que todo tiene que hacer y perder un tiempo para acompañarnos en esta radio. Ahora no conozco la soledad. Estoy dispuesto para pedirte perdón frente a la sociedad. En la oscuridad yo quiero que tú seas mi luz. Si andamos por la relación en el pendao. Siempre hay una razón para volver, una razón para volver. Contigo quiero volver. Siempre hay una razón para volver, una razón para volver. Contigo quiero volver. Siempre hay una razón para volver, una razón para volver. Contigo quiero volver. Ya volví. Voilà, et on va suivre l'émission Héritage culturel, et c'est un plaisir pour que nous puissions recevoir un invité. Donc, nous avons l'autre invité, et nous pourrons le recevoir tout à l'heure. Et qui t'aime saluer Joseph Jean-Achille, qui est un grand frère, moi, et qui bel et bien à suivre l'émission Héritage culturel. Et un saludo à notre ami Roberto Ibáñez, et un saludo para ti, amigo, et n'a pas salué et petit Saint-Anne qui bel et bien et a suivi l'émission Héritage culturel et n'a pas salué tout et Sergio Obed et qui bel et bien branché et en fait live là. Donc nous gagnons troisième invité et nous pourrons le recevoir et Zambim, et c'est un plaisir pour nous recevoir dans espace ça et dans espace émission Héritage culturel qui passait sous et antenne radio Lorenzo Alenas le 107.1. Comment nous? En forme et m'a profité saluer tout le monde qui attend nous. Et voilà, et sur Radio Lorenzo Alena, soit suivre l'émission Héritage culturel. Donc, et qui ça motive ou qui permet tout au présent avec nous dans l'émission Héritage culturel? Bon, présentement là, c'est pour nous parler de un événement que nous avons fait directement dans la mention là. Et nous mettons en production sous pied pour nous faire tout ça. Mais pour nous faire promotion tout pour et un artiste et moi-même en tant que beatmaker qui a fait ça depuis un bon petit temps et pour nous faire promotion directement pour mon conception pour communauté haïtienne et para toda la gente que nos están escuchando igual para que sepan que hay haitianos que están trabajando y hay haitianos que quieren hacer cosas positivas acá en Conce. Et merci Zamim et en quitter Ernest recevoir invité donc il vous calme pas après Jean qui nous t'a dit et avant et Ernest. Oui, bonsoir, comme non pas c'est Ernest, peut-être au cas qu'on est au cas qu'on est non pas aussi. Non pas c'est et Kev Aldi Montreuil. OK. Bon et bon, bien content de recevoir ce soir oui, dans l'émission Héritage culturel. C'est un plaisir pour moi et pour recevoir mais nan ki sa ki motive nou et ki fè nou fè une promotion ki ta vle fè nou chante ki mesaj an swa nou ta vle fè parce d'abord ide an m pa konn si m ka fin di la créole net parce que m ka fin pale la créole pou communauté haïtienne la comprendre vraiment et ide an c'est ki sa nou mete le nou vini ici là et nou plus vini pou travay. Et nous connaissons travail, les générer stress. Et si vous n'avez pas un côté directement pour divertir et pour relâcher le corps, pour retirer le stress, vous avez un côté, vous avez un burn-out, vous avez explosé quand même. Donc nous-mêmes, nous décidons, bon, nous travaillons vraiment, mais il faut que nous prenions plaisir nous tout. Vous n'avez pas vivre toute vie et puis vous n'avez pas prendre plaisir, vous n'avez pas faire ce que vous avez fait. Même les ça n'a fait à fond ligue sérieux là donne vraiment donc nous toi faire promotion pour culture haïtienne là par rapport à compas pour nous montrer moun pour nous montrer étranger mais qui sa culture pas nous pour yo même n'a promouvoir culture nous pour yo même pour yo ka connait qui sa haïtien et pour yo ka prendre haïtien dans l'autre sens voilà dans l'autre dimension non l'autre dimension et c'est que c'est très important malgré nous pas gain en pile temps pour nous parler là nous censé gain 5 minutes qui était pour nous nous fait non signe déjà c'est le temps semble petit temps pas si fait pour nous parler mais est-ce que vous sont chanteur ou sont artiste quelconque? Non moi-même moi c'est un beatmaker. Lundi beatmaker là c'est monde qui produit directement musique que vous attendez. OK. OK et artiste là lui-même il vient mettre voix. Voilà. Beatmaker en fait un paquet de travail que yo pas ba nous valeur. Okay. Donc là nous même nous vinn faire comme ça nous chercher valeur pas nous n'a promouvoir tête nous pendant que n'a mettez un artiste dehors pour nous montrer que nous même tout nous ca faire ça n'a faire voilà. Et nous mais est-ce que c'est bah yo pas ban nous valeur ou dis-moi c'est comprendre ni pas comprendre qui fait manquer c'est vraiment comprendre yo pas comprendre nous parce que moi l'explique et si on beatmaker chita li fait toute musique là, toute mélodie, toute bagaille, mettez toute essence qui bougait dans musique là. Yo bay artiste là plus raison sous nous parce que c'est lui-même yo dit li écrit telle parole, li fait telle bagaille, li fait telle bagaille pendant que le temps des mélodies, c'est lui-même qui fait musique là vraiment. Voilà. Ça vraiment intéressant parce que comme nous pas gain temps pour nous ta bien détailler ça. Ça vraiment intéressant même nous ta souhaité une autre fois pour nous ta vite bien détailler parce que nous grand pile monde qui pas connait rien de ça sauf que yo wè des artistes là d'abord. Mais c'est comme si yo manger à l'elfin préparer l'elfin préparer pas avec ça non c'est que c'est ça fait tout yo vinn manquer valoriser mon cher me senti bien édifié et nous gain qui activité nous gain qui prochaine activité nous gain et qui ça nous monde ka faire pour participer dans activité ça dernière question pour nous aller OK prochaine activité c'est le 19 dans la mansion club dans prat kon frère OK n'a fait on bagaille et afro latino c'est n'a prend culture pas nous mettel dans essence chilien dans essence vénézuélien nous font bouillon de tout ça pi bon yo et puis nous vini nous mettel là n'a fait le 19 et si, normalement l'a réussi et l'a fin réussi nous gain club là qui a vraiment fait pas qui a vraiment partie de tout ça n'a fait yo et n'a espéré faire deux fois Non, moi. Ok. Et vraiment intéressant, et comme nous arrivons à thème émission, hein, et vous vraiment intéressé dans le cas de ça, on a parlé plus sur ça, on a venu là pour nous plus bien détails pour nos communautés haïtiennes, parfois qui ont des gens sérieux qui ne pas sortir. Bon, comme on parlait de un bouillon, et je t'ai remis un bon petit bouillon, parce que moi, un bouillon, parce que ça fait longtemps. Je vais faire dans son musique comme il dit m'a bien budget parce que d'arrêt mais aller et souhaiter et nous continuer parler plus et là déjà arrive à thème et me remercie pour visite pour temps ou pas pour nous monsieur bon travail et mon que bon Dieu continuer aider nous pour réussir dans ça affaire. C'est moi pour dire merci parce que nous t'es passé dans studio radio. Mais d'accord, c'est moi pour dire merci parce que vous avez une opportunité pour nous promouvoir culture nous pour nous promouvoir ça affaire et puis pour nous même pour nous avancer ensemble. OK, merci pour présence. Eh ben OK, merci. D'accord. Et pareil danger monsieur, c'était un plaisir pour que nous ensemble dans studio et nous arrivons dans fait émission pratiquement et comme j'en ai dit là et vocal n'est pas à point donc Ernest et il fait 7h58 minutes et c'est pratiquement la fin et, de cette émission. Merci et à tout le monde qui t'a suivi émission héritage culturel et merci et en fait et avec Nadège qui était bel et bien branché et live là. Et donc n'a croisé vendredi prochain pour yon l'autre et émission héritage culturel. Ciao ciao et à bientôt. Au revoir, bye bye, ciao, hasta luego, hasta el próximo viernes. Siempre a razón para volver.